merci d'avoir choisi Maxi France. Très bon jeudi après-midi. Il est tout pile que 16h. Ben oui, je crois que c'est ça.